dessus, Kiri comme rien, je rêve simplement d'un meilleur lendemain. Je ne suis pas de ceux qui sont dupes à se laisser dire retourne dans ta hutte. Alors reviens mon frère, je te tape par la main. On respire au grand air, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Puis les blabla, je ne me refuse rien. Je rêve simplement d'un meilleur lendemain. Simplement un meilleur lendemain. Je n'ai pas l'intention d'empiéter ton terrain, mais fais quelque chose pour unir tes prochains. La clé de la réussite, c'est toi qui l'obtiendras. Tu tireras d'un déclic pour qu'il saute dans tes bras. Fini les blabla, je ne me refuse rien. Je veux simplement un meilleur lendemain. Fini les blabla, je ne me refuse rien. Rêve simplement d'un meilleur lendemain.